Ah, moi, je travaillais à Dunkerque. Je peux nommer le nom du magasin. C'était à l'Impeccable Madame. Impeccable Madame, c'était un magasin qui était à l'époque en face de l'église Saint-Éloi. Je crois que les Dunkerquois connaissent bien ce magasin, qui était un magasin de haut de gamme. Et puis, voilà, j'avais une assez grosse responsabilité. Mais je vous dis, malgré tout, à la période du carnaval, j'étais vraiment ancrée dans ce... j'habitais Berg. Après, je suis partie dans le sud. Je suis venue sur Dunkerque. Et c'est là que j'ai trouvé mon travail à l'Impeccable Madame, où j'y ai travaillé 24 ans. Voilà. Voilà, j'ai un magasin qui me plaisait beaucoup. Et j'ai organisé, entre autres, avec bien sûr ma patronne, et 64 défilés de mode. Entre autres, au théâtre. Bah, écoutez, c'était bien sûr, on avait à l'époque... des mannequins que l'on faisait venir de Paris. Et donc, on a fait des défilés au théâtre. On a même fait venir une fois un chameau sur la scène. Oui, c'était spectaculaire. Mais après, comme c'était quand même très frayeux, on a continué à faire nos défilés de mode au magasin, qui était un magasin à étage, donc avec un grand escalier... on pouvait faire un très beau spectacle, qui était d'ailleurs très apprécié par les clients et les clientes. Ben, j'étais responsable caissière et puis achat des collections. J'allais d'ailleurs à Paris voir les collections, Cacharel, etc. C'était quand même très agréable, un métier très agréable. Les patrons ont légué leurs affaires à leurs filles et leurs filles, après, a eu l'âge de la retraite. Et puis, ce magasin, maintenant, c'est une mutuelle. A été repris par une mutuelle. Voilà. Voilà un peu les petites histoires. Après, je suis née dans le ventre de ma mère avec le carnaval dans le ventre. Voilà. Maman était grande carnavaleuse et au fur et à mesure, elle nous permettait de sortir justement au moment du carnaval parce qu'elle elle-même avait envie de faire carnaval. Voilà, une petite anecdote au passage. À l'époque, on portait le masque pour faire l'intrigue. Et un jour, je me trouvais à Berg dans un café. Il y avait un billard. Et je me suis assise au coin du billard. Il y avait un monsieur qui était là, que je voulais intriguer. Et donc, je lui parlais, je faisais vraiment l'intrigue. Et tout à coup, il se met la main à l'œil et il sort son œil qui me met sur, comme ça, sur la main. C'était un œil de verre. Alors, je peux vous dire que j'ai vraiment... En quelque sorte, vraiment, j'ai eu vraiment de quoi tomber en syncope. Voilà. Ensuite, une autre anecdote, bon, qui est moins... je dirais que j'étais à un bal de carnaval. Et au vestiaire, je m'en vais chercher au petit matin mon vêtement qui n'était plus au vestiaire. Donc, il se trouve que ce vêtement, au bout des recherches, je l'ai retrouvé... sur un pont à Saint-Paul-sur-Mer. Il faut dire qu'au carnavaleux, tout est possible. Même le retrouvailles de son manteau. Voilà. Et à l'époque, je faisais beaucoup de chapelles chez moi. J'ai reçu jusqu'à 150 personnes dans mon petit appartement. Voilà. Très connu, trop connu d'ailleurs. Et un jour, malheureusement, ayant tant de monde, j'avais le groupe des carnavaleux de les Chatroussas, la bande des Chatroussas, Jean Chatroussas, que beaucoup de Dunkerquois connaissent, entre autres. Et donc, dans l'escalier, j'avais tellement de monde que je n'ai pas pu recevoir tous ces gens, ces carnavaleux. Donc je leur ai dit que je ne pouvais pas les recevoir, mais je leur ai offert à chacun une canette de bière, un morceau de podin, comme on dit à Dunkerque. Ils sont partis. Malheureusement, quand l'équipe des Chatroussas ont voulu partir, ils n'ont pu retrouver leur parapluie. Ça a été un désastre parce qu'un carnavaleux qui n'a plus son parapluie, c'était vraiment très, très grave. Mais oui, on leur a volé. Ça, c'était vraiment... ils sont partis, ils étaient masqués, déguisés, mais on ne voyait plus la couleur blanc qu'ils avaient pu avoir derrière, en dessous de leur maquillage. Donc, à partir de ce jour, je n'ai plus voulu faire chapelle. À partir de... Ben, écoutez, je devais avoir 10 ans, que je commençais déjà à faire carnaval, c'était donc à Bergue. Après, ben, au fur et à mesure, je suis revenue habiter à Dunkerque. Et là, ben, avec... le problème des enfants, c'est-à-dire mon fils, mon fils c'est Christophe Polineau, et donc c'est lui qui a commencé à faire de chapelle en chapelle, et voilà, ce qui a pris encore des proportions. Je faisais tous les bals, toutes les bandes, les chapelles, entre autres. Et voilà, je suis une grande carnavaleuse avec un grand âge, que je n'ose plus vous le dire, je n'ose pas vous le dire, mais voilà. Même encore cet hiver, j'ai fait carnaval avec beaucoup de plaisir. Il y a une façon de faire carnaval. La façon, c'est éventuellement faire la bande, faire les chahuts, se tenir, ne pas se bousculer. Voilà, ça c'est vraiment l'école du carnaval qui devrait se faire et se propager avec grand bonheur. Hein, parce que là... ça devient un peu... Il y a énormément de monde, de toute façon. Trop de monde. Mais bon, tout le monde est bien reçu. On essaye toujours d'accepter tout le monde parce qu'on sait que c'est carnaval. En principe, moi, j'ai jamais eu de problème avec mes convives. Hein. J'ai jamais eu de problème. Mais c'est vrai que ça fait du monde. À l'entrée dans la cuisine, mon frigo était rempli de bouteilles de bière, de canettes de bière. Donc, au fur et à mesure que les carnavals passaient, on leur donnait une bouteille de bière. Après, ben, je faisais des petites choses pour manger, etc. Pour pas que... Mais voilà, j'ai jamais eu de problème, ni de mégots par terre. Les gens étaient respectueux. Je trouve que quand même, c'était le côté agréable. Bon, les voisins participent également, donc il n'y a jamais de problème. Et puis les gens savent. Les gens savent qu'au carnaval, j'ai du monde. Enfin, là, maintenant, j'ai terminé. Je ne fais plus parce que j'ai plus la santé, j'ai plus l'âge. C'est moi maintenant qui vais dans les chapelles. Parce que les déguisements, on a un déguisement, on le porte, on le met. Après, à la fin du carnaval, il est lavé, nettoyé, il est rangé dans un carton ou dans une armoire pour être ressorti l'année suivante. En principe, les gens gardent toujours leur même cletch, comme on dit à Dunkerque. Moi, par contre, j'ai mon manteau de carnaval. C'est un manteau sur lequel, tous les ans, je couds les cartes de carnaval là, qui sont à la merci des petites affiches. Donc, mon manteau est rempli de cartes de carnaval là. Et ça, je ne voudrais surtout pas le perdre. Un jour, on m'en a volé un, hein, d'ailleurs, à un carnaval, à mon grand désespoir. Mais voilà, en fait, comme je vois les proutes, ils ont toujours les mêmes déguisements. Et beaucoup de gens, en fait, ça fait partie de leur vie, leur costume. À l'époque, les pêcheurs partaient en Islande pour la pêche. Et avant de partir, ils faisaient une grande fête. Et ils se déguisaient souvent en femmes. C'est pourquoi les carnavaleux sont souvent déguisés avec des jarretières, avec des jupes courtes. Voilà, ça, c'était le grand plaisir. Ils faisaient vraiment la fête. Et donc, ça se répercute actuellement encore dans cette tradition. Ça démarre à la bande de Dunkerque. Le lendemain, c'est à la Citadelle. Et le troisième jour, c'est Rosendal. Et donc, les vrais carnavaleux, j'en ai fait partie, je faisais les trois joyeuses. D'ailleurs, je travaillais dans un magasin à l'époque. Et à 7 heures du soir, dans le vestiaire au magasin, j'avais mon clutch que je mettais pour partir. Et après, je partais à la citadelle. Voilà, jusqu'à des heures. Je connais plus les heures. Ouais. Voilà, c'est quand même une fête qui est traditionnelle, bien sûr, mais qui est fêtée avec un cœur que tout le monde... Il n'y a plus, si vous voulez, comment dirais-je, ça peut être un ouvrier, un médecin, il n'y a plus de choses sociales, vous voyez. Tout le monde se plaît, tout le monde est gentil l'un avec l'autre, il n'y a pas... En principe, il n'y a pas trop de bagarres. J'ai une sœur qui habite en face de la mairie de Dunkerque. Là, bien sûr, elle a du monde parce qu'on voit le GD à Rang. Vers 5 heures, on voit la foule. C'est effrayant quand on est à l'étage et qu'on voit ce nombre de milliers et milliers de personnes en bas. C'est vraiment... spectaculaire, hein. Spectaculaire. C'est même quelque chose que l'on voit à Dunkerque.